Tenez-vous-en à la parole de vérité. Quand même ce serait un ange éclatant qui vient. Examinez quand même tout à la lumière de la parole. Et ayez le courage, quand ce n'est pas conforme à la parole, de déclarer ça. Quand c'est faux. La parole du Seigneur est éprouvée. La Bible a dit, n'ajoute rien à ses paroles. Le Père que lui Dieu les reprenne et les reprenne. Notre prédication ne doit reposer ni sur l'erreur, ni sur la fraude, ni sur les motifs impurs, ni sur la cupidité. Nous voulons que la vérité. Et nous voulons la réalité de Dieu. L'expérience de la parole. Comme il a écrit aux Hébreux. Celui qui en a corollé. N'a pas encore l'expérience de la parole de justice. Il nous faut avoir l'expérience, mais une expérience de la parole conforme à la parole. N'avalons pas n'importe quoi. Nous sommes dans le dernier jour. Et le diable cherche à séduire qui le voudra dire. Soyons sur nos gardes. Soyons vigilants. Soyons prudents. Amen, amen. Béni soit le nom du Seigneur. Et pas pour la vous avez vu avec quelle désolation, mais de manière détendue, comment nous avons livré, nous sommes livrés à cet exercice sur la date de la première commission de William Branham. Nous avons pendant des années et des années. Nous avons fait comme tout le monde. Nous avons fait confiance aux aînés. Aux grands serviteurs célèbres. Mais nous n'entrerons pas au ciel sur base de ce fanatisme. C'est une question de sang. Nous n'allons pas regarder au visage. Dieu ne fait pas favoritisme des gens. Que lui peut nous dire des mensonges, nous devons croire. Parce qu'il est un grand homme de Dieu. Pas la question. La vérité est têtue. Et nous devons nous y conformer. Nous vous avons brandi les preuves le vendredi. Quelqu'un m'a dit, oh, pasteur, c'est comme un cours d'histoire que vous avez donné. Ça fait rire. Hein? C'est comme un cours d'histoire. Mais on a besoin de ces éléments parce qu'on ne doit pas parler avec. Il faut des preuves. Maintenant, vous avez entendu. Ça, c'est tout bien. J'avais dit que frère Valdefranc, qui est l'un des témoins de la date du 11 juin 1933, j'avais dit vendredi, ici, j'ai bonne mémoire, il était en 1932. Non, c'était même encore une erreur. Frère Franck est né le 24 décembre 1933. Donc, quand frère Branham recevait la commission, frère Valdefranc ne pouvait même pas être un témoin oculaire de cet événement-là. Parce qu'il n'était même pas mon né. Na bongo na lobaki mkolo wa musalimitano awa ete ndeko Frank azalipe moko na batatu ya mkolo yango ya mogozomi na moko sanza ya motoba mugu ya mkoto moko kama libo tuku satu na misatu pe na yeko sala kumete abota makinde na mugu moko ya koto moko kama libo tuku misatu na mibali zoka ndee za lagi peli bunga zoka ndee ndeko Frank abota makinde na mkolo tuku mibali na mine sanza ya mzomi na mibali mugu ya koto moko kama libo tuku misatu na misatu na bongo akokati ata kwa zalate motatu. Après l'avoir dit, je suis allé aussi vérifier moi-même. Nous avons vérifié à plusieurs reprises. Dans la lettre circulaire d'avril 2017, à la page 2, lui-même a dit ceci. Étant donné que deux frères dans le ministère me l'ont demandé, je mentionnerai encore une fois brièvement quelques circonstances personnelles. Comme vous le savez tous, je suis né en décembre 1933. dans la région de Danzig, qui appartenait autrefois à la Prusse occidentale. C'est lui-même qui écrit qu'il est né en décembre 1900. Six mois après la première commission de William Branham. Voilà. C'est comme ça quand vous examinez les choses sans parti pris, sans fanatisme. Dans tous ces écrits, la date du 11 juin est toujours répétée. Et frère, si vous vous rappellerez, on a échangé une fois, vous avez posé une question sur les jours anniversaires de frère Franck. Hein. On a échangé, j'ai perdu les éléments là, parce qu'il y a eu le clash de mon WhatsApp pour moi de Mars ici. J'ai perdu beaucoup d'archives. Les gens, son jour anniversaire coïncidait avec les jours de la mort de frère Branham. Donc c'est le 24 décembre. Nabongo ezalaki nde mutuna ya kolobete mukolo na yeo ya mbotama ekokana kande na mukolo oyo aliwa ya ndeko. Alors, il y a des frères qui ont pris ça comme fondement pour dire que c'est un élément pour dire qu'il était le successeur de frère Branham. On fabrique même des idoles et des doctrines. Au moins, c'est connu, il est né le 24 décembre 1933. Maintenant, frère Périgouril, que lui avait pris là-bas comme témoin pour parler des événements vécus dans le ministère de frère Branham et lui apporter la prédication. Il était né quand? Frère Périgouril est né le 1er juillet 1933. Donc quand l'événement s'était produit, Périgouril lui-même là, qui est allé écrire, n'était même pas convenu. Talete ndoko Périgouril, oyo ndoko franga zwa kina sima ya liwa ya Mosakoli. Ete yo ndoko franga zaliko teya ndoko Périgouril ndi zaliko pesa matatuli na makambo ya bitela kikati na bomo ya Mosakoli. Zoka ndo yo moko te, abeta magindia na mkola libo sasa ndaya sambu. Alors, frère Gordon Lindsay, qui a écrit le livre William Branham, un homme envoyé de Dieu. Parce qu'il avait échangé avec lui. Je ne sais même pas aller chercher sa date de naissance. Parce que dans son livre là, lui n'a pas fait une date. Et pourtant plusieurs se sont référés à son livre. Lui parle seulement du mois de juin. Point barre. Frère Branham a fait ce qu'il avait dit. Au mois de juin 1933. Pourtant, lui a écrit son livre du vivant de Frère Branham. Un homme envoyé de Dieu. Et il reprend plusieurs traces de Frère Périgouril a écrit les actes du prophète. Que tous ceux qui ont lu ces livres-là, sont pour référence de la date, Vous verrez que quand Prophète Branham parle, il insiste sur le fait que c'était au milieu du mois de juin. Pour garantir en principe les deux semaines, la pensée de deux semaines de réunion de réveil, avant que le service de baptême là ne se déroule. Amen. Donc les deux premières semaines de juin là, devaient d'abord se terminer. Amen. C'est ainsi que quand il estime, hein, il parle du 15 juin, du 16 juin, mais finalement c'est le 18 juin. Amen. Na bongo ba kumana kende kubrena mu yemo kusanga sana kolobe la makambolo. Azalinde kolobe la yote na katikati ya sanza ole ya moto ba pote ya sengeleti. Pofolo mi bale eko kanano esi na nano pote ya yako sala musala ya libati ya nano suka na pote mi bale. Pote ya sakina pote mi bale ya sengeleti. Basala musala ya pote ya pona dola mchimu kudu. Et vous là, la pensée chrétienne dans c'est ça. Il y a des reprises le 15 juin. Vous rappelez? Je rappelle encore brièvement. Parce que cette chose paraît petite, mais comme je le disais avec un frère, mais c'est si important quand même des fois. Et là, pas vous ne savez pas comme ça, la légère commence pour continuer à évoluer dans les désordres. Donc, quand des gens communes, ça m'a encore monté, cassiné, je suis là, je ne sais pas comment, je ne sais pas comment, je ne sais pas comment, je ne sais pas comment, quand il en parle en 1960, dans la sainte de la nuit, le 22 1960, j'ai récapitulé les références, si vous les avez déjà. Et là, il y a les voix progressivement, mais aujourd'hui, je résume un peu. Au paragraphe 21, première partie, il dit, je peux me souvenir le 16 août 1933. À 14 ans, et il corrige ce qu'il dit. Je vais dire le 16 juin à 14h. La date estimée du 16 août est tombée déjà ici. La question elle-même corrige ça. Pour prendre le 16 juin. Et là-dedans, les deux premières semaines sont préservées. La bongo. Lokola oya betaki munoke betaki libaku mukela koloba mukola zomi na motoba sanza ya mwambi ye mukwa sembeli bebele na malobangote ezali sanza nde ya motoba na bongo mukolo oya baposo mibale ya katikati ya sanza ya motoba ebatelami et il dit je venais d'être ordonné ministre de l'église baptiste d'Israël na utati ko pesa mela musala ete na zala musala et je tenais mon premier réveil auquel assistaient 3000 personnes et quelques mpe na zala kiko sala bala mukina ngai goso bato pembeni na nkoto bisatu na zala mais comment lui qui était témoin oculaire peut se tromper de date kiko na bete ya mzenzene ka penza ya misu do yenenga nini ya kopito bien aimé quand vous faites face à plusieurs événements dans votre vie soki okutani na makamu mingi katina bomo inayo il peut arriver que notre mémoire trébiche. Et que des fois il faut consulter le carnet chaque fois pour avoir la précision du préjour. Moi-même je vous ai parlé de la date du 14 mars 1994, n'est-ce pas ici? Quand le Seigneur nous a visité là surnaturellement, dans une réunion à Kisantu, la colonne de feu faisait des va-et-vient au couloir. Quand j'en parlais, je disais, c'était un mercredi ou un vendredi. Or, ça, c'était l'influence du programme que nous avons ici de culte, qui m'a fait dire un mercredi ou un vendredi. Quand je suis allé revoir le calendrier de 1994, le 14 mars n'était pas un mercredi, même pas un vendredi, c'était un lundi. Et je me rappelle que c'était ça l'horaire du culte qu'on avait à l'époque. Lundi, on venait à l'église. Et que nous allons vous alors ici au tabernacle, on ne prie pas les lundis. Donc, il peut se faire que vous dites que mais la pensée reste correcte. L'événement est écrit. Et frère Brenham a donc pris des notes. Avec autant d'événements, on peut se tromper parfois. Par erreur de mémoire. Mais la pensée clé au fond, c'est que l'événement a existé. L'examen sert justement à rétablir les choses. Et la vraie vérité. Tous ceux qui confirment qu'il y a eu des réunions de réveil pendant deux semaines. Au mois de juin 1933, qui confirme que c'est le 11 juin, vous pouvez être sûr avec moi que ces frères-là n'ont pas consulté le calendrier réel de l'année 1933. Ils n'ont pas consulté. Ils les disent parce qu'on a lu, parce qu'on est habitué à les dire. Mais s'ils consultaient le calendrier comme nous, ils changeront d'avis. Libiki oyo ya ipinda ya liboso ya mosakoli salamaki nde na mokolo nzomi na moko sanza ya motoba ezali ete balandeli mpe batali malamu te mikolo oyo ya sanza yango ya motoba ya mobu ya nkoto mokonkama libo 13 soki balandela batala malamu balingaki nde kobongola maloba balingaki te or cette chose a commencé sous forme d'une petite question dans la méditation. Quelque chose m'a juste questionné quand je parlais première commission. Ok, il dit que dit frère Branham lui-même au sujet de la date du 11 juin 1933. La question m'a été posée. Ah, bon, vous étiez sûr, oui, il en parle, certainement. Vous étiez sûr que j'allais trouver des éléments où il confirme. Mais malheureusement, voilà ce qu'on découvre. Lui-même n'en dit rien. Na bongo tango, to bandinde, kolandelaka, bitte, to salina yango, ngay moko, na to banzaka, na yoki, batini ngay. Ndoko brana, malobinini, na mokolo oyo, yazumi na moko sanza, ya motoba, mubu, ya mkoto mokon kamali, botu misato na misato. Ah, na mituni yule kama mungu na bina kubrana mande alubaki yangu na atkali sasa na bina sasa ipi na landele kula landele tare sika to kumi. Que Dieu ait pitié de nous. Zambi yemo kwa kile bisha mawa. Il faut vérifier et revérifier. Isengel kula landele lika mbuko la bila landele. Examiner et examiner. Onom botapa kuzungela. Etu vula? Bosali yana. Alors dans aller réveiller Jésus, je rappelle. Na lipera mosakoli. Bonga tokola mosakoli. Prêché le 30 novembre 1963. Ite yamakinge na mukola tumbi sato sana. Paragraphe 93. Deuxième partie. Il dit cette colonne de feu est venue là, tourbillonnant dans les cibles claires, à 14h le 15 juin. Descendant droit des cieux comme cela. En disant le 15 juin, vous remarquez que les deux premières semaines sont encore préservées. Les rendez-vous de réveil ont eu lieu pendant des semaines. Et le baptême lui-même a eu lieu un dimanche. Mais le 15 juin n'était pas un dimanche. Le 15 juin n'était pas un jeudi. Le 15 juin est vendredi. Donc ni l'un ni l'autre. Mais quand il avance la date du 18 juin, dans le serment un procès, Michel le 27 avril 1964, c'est la dernière référence de son ministère, il donne clairement la date, c'est un peu plus d'une année avant sa mort, la dernière référence au paragraphe 63, première partie, j'ai un service de baptême à la rivière en 1933, à la mi-juin, au milieu du mois de juin, entre le 16 ou le 18 juin. Et nous nous prenons les 18 et c'est le dimanche. Retenez ce qui est. Ne pas rester dans l'air, mais vous retenez. Et quand nous retenons, nous retenons. Le 18 juin, c'était hier. En 2010. 18 juin, donc, je parle de fait, les samedis hier. Le lieu pour une coronation. 19. L'année 2022 que nous traversons, le mois de juin dans lequel nous sommes, on peut le comparer avec le mois de juin de 1933. Les dates sont superposables de la manière suivante. Ce que nous considérons comme les dates de chaque samedi de ce mois ici de 2022. Ça correspondait à 1933 au jour de dimanche, dimanche, dimanche. Donc si pour nous, le 18 est un samedi en 2022, en 1933, le 18 était un dimanche. Et si pour nous, le 11 juin était un samedi, alors en 1933, le 11 juin était un dimanche. Si pour nous, le 4 juin était un samedi, en 2022, le 4 juin était un dimanche en 1933. C'est toujours 30 jours le mois de juin. Ça n'a pas changé. Sauf que pour faire ça, il y a un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, Nde yango ezalaki kolokola lobuna leki awa. Ezalaki mokolo ya zomi na mombi. Nde ezalaki nde lolingo ya mobu yango ya zomi na mombi. Na poso etikalaki ezalaki nde mokolo ya zomi na moko. Nzoka nde ezalaki lolingo ya zomi na moko ya sanza oyo ndekuperana babekelaki makambo. Pe lolingo oyo ya mokolo ya minei ezalaki paradiso awa. Mokolo ya poso nde ezalaki mokolo ya minei ya sanza ya motoba ya ezalaki bikela awa. Sommes-nous d'accord? Tukani? C'est aussi simple que ça. Ils ont dit vérifier et révergir. Mais pourquoi maintenant? Pour ce qui est la date, on a vérifié. Jusqu'à ce jour, c'est ce que nous retenons. Alors, les autres doivent nous dire d'où est-ce qu'ils ont tiré leur date. Il est vrai que nous ne croyons pas aux fêtes d'anniversaire. Vous voyez pas que ça c'est une vanité. D'aller compter les dates et tout ça, c'est une vanité. Heureusement, Dieu est bon pour nous. Pas de fêtes d'anniversaire. Tous les jours sont pareils. Mais l'événement doit être identifié dans le temps et dans l'espace. C'est où et quand? Et ça là tu vois, tu peux être en monini. Surtout une commission comme celle-là. Dit tout d'abord pas bon le mot. Il faut la préciser. Et ça là, quand on a la suite, il y a des camps. Être vous là? Bon, c'est bien. Maintenant, un autre niveau d'examen. Vous en avez aussi sur la colonne là. C'est ce que Frère Branham lui-même a fait de ce que l'ange lui avait dit. Et ça l'inde au nom de Branham, il m'a quoi ça là qui n'a au moins je n'ai pas qui n'a eu. Voulez-vous que je vous lise un peu l'exercice auquel il s'était livré? Non, le bénébino. Vous allez m'y aller, mais ça qui n'a pas. Comment il a examiné cette commission-là du 18 juin 1933? Amen. Il s'est pas seulement contenté de dire l'ange était réel, la lumière a brillé. Non, ça ne suffisait pas. C'était un être réel, oui. La lumière a brillé, oui. Il a parlé de choses précises, oui. Le Seigneur est venu, oui. Il voulait maintenant savoir la portée biblique de ce qui venait d'être dit. Êtes-vous là? Et je voudrais que chacun de nous ait la même nature face aux expériences qui lui arrivent. Amen. Dans le livre ici de notre frère Owen Jorgensen, qui est un livre de type biographie de William Branham aussi, intitulé Surnaturel des points, la vie de William Branham. Le volume 1 publié en 2014, la page 98, et 99. Ok. On revient un peu là-dessus. Bill se fait Branham. Bill considéra cela comme un signe surnaturel qui requérait une explication. Bill a mon attention le col à l'embobo à mon kilo et c'est une raquette. Et si ce signe venait réellement de Dieu, il croyait que l'explication devait se trouver dans les pages de la parole de Dieu. Bill lit sa Bible avec ferveur, cherchant des indices. Il garda un calepin et un crayon tout prêt afin de relever les passages qui pourraient s'appliquer au présent contexte. Et à sa grande surprise, il en découvrit beaucoup. Je ne sais pas si tous ces temps que vous avez entendu parler de la première commission de William Branham, si vous êtes livré au même genre d'exercice. Le premier endroit où Dieu apparut sous forme d'un fait surnaturel était dans Genèse 15, verset 17. Et si quand il bosse, oh, on zambé, amimoni saki. Na moto olo ya mukiyo yote, izalaki ndeye na mukanda ya ibande lepe jenese mukapwasemu na mitanu mulongo ya sambu. Lorsque Dieu fit alliance avec Abraham, tamu zambe ya sali hibo yoka nitoko ngumema elongona Abraham. Moïse entendit Dieu lui parler dans un buisson ardent. Mose ayokaki zambe kolobaka na ye na nzela na moto ezali kopelaka na matiti ezali kopelaka. Là c'est dans l'Exode 3 vous le savez. Wane zayi na Exode mukapwasemu. Ce feu devait bien être surnaturel. Parce que le buisson ne s'était pas consumé. Moto yoana, il s'est mêlé tous à la voie de Mokiro yote. Peut-être, ma titi yoye, vous allez qui te pèle à yango, vous cachez, vous allez vous Moïse vit le Seigneur de nouveau dans un nuage de lumière. Moïse a guidé les enfants d'Israël hors d'Égypte. Moïse, à mon acquis, il s'est sous son polo, quand il n'a pas été dans la tiambo, il s'est mis à la cabane, Et puis une autre fois, lorsque Dieu les rencontra sur le mont Sinaï. Après la référence de Genèse 15, verset 17, on en donne une, celle de Exode 3, verset 2. Et Moïse le dit à diverses reprises. Y compris lors de la dédicace du tabernacle dans le désert, l'incitant à écrire, l'Éternel notre Dieu est un feu consumant ou dévorant. Na bongo kino na mukolo oyo bakabaki nde tempelo na nzambe kati na biso bende oyo etindikisa kaya na koloba ete yawe nzambe na biso azali nde moto oyo ezali nde kozikisa. Exode 14 verset 19 à 20. Exode zomi na mi. Et encore Exode 19 verset 18 et 19. Exode zomi na liboa na mo ya zomi na mbe. C'est l'aspect du feu. Voilà, le feu lui-même. Manoac, le père de Samson, le vit lorsqu'il rencontra l'ange du Seigneur. Manoac, tata, ya Samson, na monaki etango, kotana, kutana ki na manje le nankolo. Et Élie le vit au sommet du Mont Carmel. Élie le père monaki yango nankeke. Et c'est qu'elle aussi le vit en vision. Et c'est qu'elle le père monaki yango na yomonana. Et ainsi de suite. Et yomonana bongo, et bongo bongo na bongo. Alors, j'espère. C'était là une étonnante collection de versets. Voyez à la qui, pourquoi vous s'en attendez à pourquoi? Aucun doute dans l'esprit de Bill. Que l'étoile qui avait brillé au-dessus de lui sur la rivière. Le dernier dimanche. Pour céder un héritage scripturaire. Qui se trouvait partout dans la Bible. De la Genèse à l'Apocalypse. Que vous pouvez-vous demander de plus comme authentification? Il savait que cela ne pouvait venir que de Dieu. En considérant Daniel 10, verset 5 et 7. Apocalypse 1, verset 14 et 15. Confrontant l'expérience avec l'autorité infaillible des Saintes Écritures. Après cela, il tourna son attention sur le fait que la rivière, qui avait été lisse comme du verre, était Bili ya balole nanu bopo binayela kwa sale la kaibali. Oye, zala ki toko lokola. Ete soudainement devenu agité. Ye mbala moke pomi neti na yi. Autour de lui, lorsque la lumière était apparue. Tango pole yango, yomoni samadji. Vous vous souvenez dans la Bible? Obanji na Bibliya. Avec ce qui s'est passé à Bethesda, la piscine de Bethesda. Oye, obanda kole kanaliziba ya Bethesda. La caractéristique, quand l'ange descendait dans l'eau, et l'eau était agitée, le premier malade qui se jetait dedans obtenait la guérison. Maya banda kini kuningana. Mutoya banda kubela soki. Voilà. En juin 1933. Tala awa na sansa motoba mubula kote. Il n'avait pas plu pendant plusieurs semaines. Ete mbule bete kite de kati mbule. C'était un jour très ensoleillé. C'était très chaud. Mouy makasi. Et la rivière ne bougeait presque pas. Ete ebale banda tako. Il n'y avait pas de vent ni rien. Ezaki na mipepeta yolo kou mokote. Mais quand l'ange descendait. Ta mouy jalo a kitaki. Les eaux ont commencé à bouger. Maya banda kini kuningana. Surnaturel, produisant de l'impact sur des choses naturelles. Pour dire que le surnaturel était autant réel que le naturel. Et que le surnaturel a fait influencé et de mouvement selon naturel. Dieu dans les mêmes caractéristiques bibliques. Voyez que le Dieu qui a donné ce signe. Il peut guérir toutes les maladies, toutes les sens. Quand le même ange a agité l'eau de nos jours. À n'importe quel moment qu'il venait, quand il a agité l'eau, toute maladie pouvait guérir. Et c'est vraiment Jéhovah Rapha. C'est Dieu qui guérissait toute maladie. Jette-toi dans l'eau. Viens dans tes eaux. Pas étonnant que dans la deuxième commission, vous entendrez dire encore, l'ange venu dans la pièce où était frère Branham, dans la deuxième commission, vous entendrez, on va y arriver. Si tu continues à être sincère, si tu amènes les gens à tes couilles, rien ne résistera à tes prières. Même le cancer. Toute maladie est dopée se vaincre. Maladie non de colonga. Y a-t-il quelqu'un qui s'est ressaisi? Il la puissance de son message. Toute maladie est dopée se vaincre. Élevons seulement le niveau de notre foi. Notre foi se limite seulement à quelques grains de légumes là. Laissez-la monter plus loin. Vous verrez que la maladie ne peut pas se jouer du coup de ce message. Amen. Amen. Aucune maladie ne peut se jouer d'un vrai soin de ce message. Dans l'enlèvement, il va changer votre corps. Capable de tout soumettre. Amen. Amen. Alors, pour le bonhomme, examinez ce passé-là. Et vous voyez que c'est biblique aussi. Dans Jean chapitre 5, vous avez l'expérience merveilleuse de la piscine de Bethesda. Après cela, il tourna son attention sur le fait que la rivière il avait été lisse comme du vin. Et soudainement devenu agité. Autour de lui, lorsque la lumière était apparue. La seule chose de ce genre qu'il trouva dans la Bible était dans Jean 5, verset 4. Est-il possible que la lumière au-dessus de lui, sur la rivière, c'est le même ange. Et pour qui pour ça la mettre pas les anges les eaux à la piscine de Bethesda. Amen. Et pour qui pour ça la mettre Il considéra longtemps cette idée, mais ne trouva rien d'autre pour la prouver ou la réfuter. Il finit par laisser la question en suspens. Donc Branham ne nous a pas dit que c'était le même ange. Mais il a soulevé la question. Serait-ce, aurait-ce été exactement le moment? Parce que pour ce boîtier-là, qui était associé, l'ange est venu, il a raté toutes les occasions. Mais l'ange Jésus-Christ, le messager Dieu en personne, s'est approché de lui, lui a questionné et a vu sa détresse et s'est prêté à bout et lui a dit: prends ton lit, lève-toi et marche. Tous ceux qui revenaient de la rivière étaient mouillés. Mais ce jour-là, on a vu un malade exceptionnel qui avait ses habits secs, mais qui avait le résultat de tout ce qui était mouillé. Il est le Dieu des merveilles innombrables. On ne peut pas les limiter. Il peut faire des choses que nous faisons encore. Il nourrit autour de vous, dans votre ville, partout. Ne les limitez pas. Amen. Il est temps de croire. Amen. D'exercer la foi. Amen. Et non plus d'exercer les émotions. Kasi. De pleurer. Arrêtez de pleurer. Satan, Sakani Mingi, Kangise Monogotika. Amen. Nous avons reçu un puissant message. Amen. Dieu au début du fil. Il a dit au ciel. Il a dit au ciel, il a dit sur la terre. Il a dit dans la vie de Branham, il a dit au ciel à ta vie à toi. Il a dit sur la terre. Il agit quand il parle ici. Il agit dans son cœur, toi qui écoutes. Il communique et communique encore. Son sondeur répond à la prophétie. Amen. C'est vrai. La troisième évidence, la plus directe, venue de la voix elle-même. C'est même que Jean-Baptiste fut envoyé comme précurseur de la première venue de Christ. Il pèsa ses mots. Les sous tous les angles. Mais c'est une commission réelle. Mais il prend du temps et du temps. Même que Jean-Baptiste fut envoyé comme précurseur de la première venue de Jésus-Christ. Il pèsa ses mots. Il les examina sous tous les angles. Essayant de décider ce qu'il signifiait exactement. Alors, il étudia la vie de Jean-Baptiste. Et fut particulièrement fasciné par le lien que Dieu avait établi entre le prophète Jean et le prophète Élie. On se dit dans Luc 1, verset 17, Il, Jean, marchera devant lui avec l'esprit et la puissance d'Élie. Vit l'ange au père de Jean. Et peu plus tard, Jésus à propos de Jean, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Il y avait beaucoup de matière ici. Et Bill savait que ça lui prendrait du temps avant de mieux comprendre. Franchement, il considéra la deuxième chose que la voix avait dit. Finalement. De même, tu es envoyé avec un message comme précurseur de sa seconde venue. Ils croyaient en la seconde venue de Christ. Ayant entendu le docteur Davis, Roy Davis, bien sûr, prêcher à ce sujet, ayant lu à ses propos dans le Nouveau Testament. Mais qu'est-ce que sa petite fille insignifiante avait à voir avec l'événement le plus important de tous les âges? Surnaturelle sur la rivière pouvait-elle être ainsi? Avait-elle quelque chose à voir avec la seconde venue de Christ? Et le temps approchait-il? Et que signifiait ce que disait cette croix? Le seul message qu'il avait, c'était la Bible. De telles pensées étourdissaient bien. Ce mystère lui semblait trop profond. Néanmoins, il était très excité par l'attente qui brûlait dans son âme. Et je vous ai montré que quand la commission avait parlé, elle ne lui avait encore donné aucun message particulier. Et je vous ai montré que c'était un message prédestiné. Et qui était destiné à appeler les élus hors des églises. Là, le prophète nous le dit. Le message appelle les élus à sortir. Les prédestinés de Dieu. Et quand Dieu en parle au prophète, c'est pas un message intellectuel, ni théologique, mais il est encore dans le cœur de Dieu. Mais il lui en parle au prophète. Donc, le message lui est déjà, il est envoyé avec un message. Et c'est mais au moment où Dieu lui disait ça, le seul message que lui connaissait, la seule chose que lui tenait, c'était cette Bible ici. Il défendait mordicus. Pouvez-vous lire entre les lignes? Dieu ne lui donne pas un message particulier. Comme on en a vu, l'ange des saints chez Daniel et lui donner la révélation sur les 70 semaines. Comme on a vu la colonne de feu descendre chez Moïse et lui communiquer les choses qu'il va faire toutes les étapes par lesquelles ils allaient passer pour sortir d'Égypte. Comme dans chacun des prophètes, vous voyez la parole est très bien adressée à tel prophète. Et il y a un contenu. Et le col à peine, mon sac, vous voyez, le sangolé, le sac, la magie, mon sac, le pont, le sac, la Bible. Là, je lui dis, tu es envoyé avec un message. Qui préparera ma seconde venue? Mes chers amis, quand Dieu envoyait Gédéon, il lui était posé la question, qu'as-tu dans ta main? Quand il devait envoyer Moïse, la question était encore, qu'as-tu dans ta main? Gédéon lui a dit, va avec cette force que tu as. Quelle force? C'était un homme scripturaire. Si Dieu avec nous, c'est les prophètes qui sont défaits. Il réclamait le Dieu de la Bible en fait. Amen. Et Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Juste ce que tu as là. Et Dieu va utiliser pour actionner son message. Et la seule chose que Branham avait, cette commission, c'est la Bible. Cette Bible éternelle. Voilà pourquoi son message est un retour à la Bible. Et qu'il a pu dire en 1965, il dit, du mot de ce péché, n'était rien d'autre que écriture sur écriture. Bible. Il dit, je suis prêt à laisser ma peau. Cette parole de Jésus-Christ. Voulez-vous? croire la Bible et tout votre cœur. Elle est l'absolu du prophète. Elle est l'absolu de Dieu. Elle est l'absolu de tout ce que Frère Branham espère de lui. Amen. Amen. Voilà Nous ne serons pas fanatiques de personne. Quelle que soit son ancienneté. Et la tâche n'est pas la même. Et c'est le pour devoir que demain la vérité. Et c'est le pas la quand un type raconte des choses, ceux qui pas nous devons dire ça à tout le monde. Nous sommes dans la conviction. Mais nous ne sommes liés qu'à la vérité. Nous sommes candidats au domaine de la amen. Qu'on nous taxe d'impoli, d'indiscipliné. Ça engage que ce qu'il a considéré, c'est bêtise là. Nous avons une question d'âme. Amen. Nous devons tout révérifier. La Bible a ordonné de tout examiner. Il y a fait de retenir ce qui est bon. Donc, dans la commission de William Branham, vous avez une image passée qu'il y a de bonnes choses. Avez-vous entendu de bonnes choses? Et lequel est le colombe tout? Je vous ai dit, venez en semaine. Il y a de bonnes choses. Hein? Quand ma première commission est aussi la voilée. As-tu reçu les bonnes choses? Amen. Il y a de bonnes choses et retenez les bonnes choses. Makambo, il y a qui toque ça n'est pas caché. Maintenant, c'est vérifié, c'est examiné. Et le clinique à vous, président, ce qu'on paye à ma première commission ici? Ici. Amen. Nous allons attaquer la deuxième commission du volant prochainement. Ce qui va me accorder, tout comme à moi, c'est surnaturel, hein? Vous allez me tirer au point. Faut saisir le contour et la manière de Dieu de faire les choses. Que Dieu bénisse cet évangile dans vos cœurs. Et lèvons-nous pour la prière. Persévérons. Nous devons persévérer jusqu'à la venue du Seigneur. Patiemment et avec amour. Alléluia, il est Nos deserts libres Ne relâche pas. Crois sa puissance. Il peut tout. Il peut pas ses péchés. Il se délivre de la condamnation. Il porte la joie ineffable. La joie éternelle. Rapproche-toi de sa présence davantage. Et qu'il te donne ce qui te manque. Nous avons un trône de grâce. Nous n'avons que secouru dans tous nos besoins. Là où Jésus-Christ est le souverain sacrificateur. Il se laissera toucher. Par le sentiment de notre infirmité. De nos faiblesses. Qu'il se relève. Prie que Dieu te relève. Qu'il te perfectionne. Prie que Dieu te perfectionne. Il est plus tard que vous le pensez. Bientôt sur le départ. Prions chacun. Éloigné de ta parole, tu m'as envoyé un vrai prophète. J'étais terrassé par la main, la nuit, tu as compati, tu m'as guéri. Comment vous m'avez promettre. Oh, Dieu a fait beaucoup pour nous. Amen. Regardons avec reconnaissance cela. Ne faiblissons jamais dans la foi. Amen. Au contraire, fortifions-nous. Servons Dieu avec des sentiments. Beaucoup d'amour, beaucoup d'attachement. Beaucoup de conviction et de persévérance. Que Dieu te bénisse. Nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous remercions infiniment ce matin pour les merveilles de la première commission de William. Alors, examiner à nouveau ce matin pour aider chacun à voir les pensées profondes contenues dans cette commission et le message préparatoire que tu nous as donné sa place dans les écritures et la conformité de chaque signe que tu as placé pour nous aider dans nos faiblesses à développer une plus grande foi. Pardonne-nous notre incrédulité, pardonne-nous Nous sommes négligents. Dans le nom de Jésus-Christ, viens au secours de chacun. Tous ceux qui t'ont sacrifié ce temps pour nous. Ici ou à distance. Tu connais les besoins profonds de chacun. Manifeste-nous ta bonté. Manifeste-nous ta grande puissance. Pour apporter le secours partout. Elohim, notre Dieu, tout suffisant, c'est toi. Nous n'avons personne d'autre que toi. Tu peux nous aider lorsque nous sommes à bout. Laisse que la puissance qui a agité les eaux du fleuve Ohio. Cette puissance agite dans nos êtres. Pour chasser les maladies de nos corps. Chasser l'incrédulité et la défaite. Chasser tous les emboutements. Tous les blocages. Tous les fardeaux encombrants. Nous les chassons au nom de Jésus-Christ. La grande puissance de l'Esprit. Que nous redonne la nouvelle vie. Et restaure notre foi. Pour nous ramener à la position de croyance. Nous croyons que tu as fait cela. Dans le saint nom de Jésus-Christ. Nous prions ici. Amen. Veuillez vous asseoir. Et que le Seigneur Dieu bénisse chacun de vous. Amen.